Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le 6 mai 1931, le président de la République, Gaston Doumergue, s'est mis sur son 31. Il se rend au bois de Vincennes, à l'est de Paris, pour inaugurer l'exposition coloniale internationale de Paris. L'exposition coloniale, mais l'événement est d'importance. La France expose sa puissance, son orgueil, son empire. Le spectacle s'annonce sensationnel. Une promesse est faite aux visiteurs. L'exposition, c'est le tour du monde en un jour. Oui, la formule choc apparaît sur l'affiche de l'exposition qui représente quatre visages. Ceux des stéréotypes des peuples dominés, un arabe, la tête couverte d'un chèche, un noir torse nu, un asiatique avec son chapeau pointu, un indien d'Amérique avec son collier de dents de fauve, le palais des colonies, le temple cambodgien d'Angkor, le pavillon de l'Afrique occidentale française qui s'inspire de la mosquée de Djéné au Mali. Oh, des objets et des gens sont exposés. Oui, le spectacle est sensationnel. Il est même possible de repartir avec un petit souvenir exotique. Bah tiens, un chèche, un fez et un chapeau pointu. Mais ce qui a fait rêver semble aujourd'hui sidérant. Quel souvenir, quelle mémoire a laissé la colonisation et la décolonisation ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, gouverner, une histoire de l'exercice du pouvoir. Gouverner, c'est un défi, bien sûr, sans cesse renouvelé, mais qui prend les décisions? Qui est responsable? Gouverner par la science, par les arts, ou encore gouverner sans culotte? Et oui, la Révolution française, voici une histoire de l'exercice du pouvoir. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Aujourd'hui, se libérer pour gouverner à l'occasion de ce documentaire « Décolonisation ». Je précise tout de suite au pluriel, du sang et des larmes. Et pour nous en parler aujourd'hui, Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Pascal Blanchard, historien, documentariste, donc par le fait spécialiste de l'histoire coloniale, membre du laboratoire communication et politique du CNRS. Vous êtes l'auteur, Pascal, un des auteurs de Décolonisation française. Et là encore, j'insiste, avec des S, hein, Décolonisation française, la chute d'un empire qui a été publié par Lamartinière et co-auteur donc de ce film documentaire en deux volets, Décolonisation du sang et des larmes, diffusé mardi 6 octobre 2020 sur France 2. Pascal, pourquoi ce sous-titre du sang et des larmes qui nous conduit à d'autres évocations du sang et des larmes un peu churchilliennes? Oui, l'idée surtout c'était d'expliquer qu'il y avait d'abord du sang parce que ça a été un conflit d'une violence incroyable, la plus longue guerre de la France au XXe siècle. Ce qu'on a un peu oublié, on ne nous présente pas les décolonisations, d'ailleurs les décolonisations, comme un peu la première seconde guerre mondiale, comme un tout historique. Nous avons segmenté dans notre mémoire l'Algérie, l'Indochine, le Cameroun, alors que nous on a voulu, avec David Combonza, raconter une histoire globale sur 25 ans. Et puis des larmes, dans les deux sens, des larmes, parce que des deux côtés de la Méditerranée, des deux côtés du monde, des deux côtés des océans, cette histoire a laissé beaucoup de larmes, beaucoup de meurtrissures, entre ceux qui ont dû revenir, même s'ils n'étaient jamais partis, puisque les pieds noirs, pour beaucoup, avaient migré du reste de la Méditerranée pour aller en Algérie, mais aussi d'Indochine, on a oublié les rapatriés d'Indochine en 54, et des larmes aussi parce que dans ces pays, ce moment a été une meurtrissure, a été quelque chose de douloureux, et dont on a un peu oublié le volet humain des décolonisations. Noyé dans la géopolitique, on n'imagine pas que derrière c'est des vies brisées, des destins brisés, je rappelle, mais on le sait, 2 millions d'appelés et de réappelés. C'est-à-dire toute une génération de frères, de pères, de fils qui sont partis faire une guerre dont ils ne savaient pas trop pourquoi ils partaient. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas trop compris pourquoi on les accueillait mal. Et puis après, ils ont perçu l'idée qu'ils avaient fait peut-être une sale guerre et qu'en plus, ils l'avaient perdue. Donc tout ça, oui, du sang et des larmes, parce que cette histoire, qui est la nôtre, collectivement, elle a encore besoin de s'écrire après peut-être ces longs pays d'amnésie. Vous l'avez dit tout à l'heure, 60 ans les indépendances. Et pour autant, on a le sentiment que c'est très loin et très proche. Cette histoire, on a du mal à la placer dans notre temporalité. Elle n'est pas totalement rentrée dans l'histoire. Elle n'est pas pacifiée dans les mémoires. La dernière génération de ceux qui l'ont vécu est en train de partir. Donc on a pensé qu'il était très important justement d'aller les questionner eux, qui nous racontent leur décolonisation, et d'avoir aussi les héritiers de cette histoire. Leurs petits-enfants au sens large. Quel rapport il y a entre histoire et mémoire, entre ce récit dont les dernières traces vont s'effacer, et en même temps, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et là aussi, du sang et des larmes, parce que dans la génération actuelle, c'est pas une page qui s'est tournée. Il y a encore du travail à faire. Et ce documentaire, hein, Décolonisation du sang et des larmes, fonctionne avec ce que l'on attend d'un documentaire, c'est-à-dire de l'image d'archives, image d'archives exceptionnelle. Vous l'avez dit, Pascal Blanchard, des témoignages de ceux qui ont vécu cette décolonisation, et vous l'avez évoqué aussi, les enfants, les petits-enfants, c'est-à-dire comment a été véhiculée la mémoire. Et pour cela, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Leïla Pougali, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée d'histoire et de relations internationales à Paris 1. Vous êtes actuellement, vous travaillez à la mairie de Paris, c'est bien oui, cela? Oui, je suis stagiaire à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Et puis, il faut le dire, vous avez 25 ans, donc oui. Vous êtes d'une génération qui a véhiculé la mémoire. Et vous intervenez dans ce documentaire, Décolonisation du sang et des larmes. La mémoire, nous le savons tous, est véhiculée à l'intérieur des familles. La mémoire, vous, c'est l'Algérie. C'est cette décolonisation algérienne, donc cette guerre, cette violence, c'était quelque chose d'évidemment présent dans votre univers familial. Oui, bien sûr. Donc je suis fille d'immigrés de la première génération algérien. Et j'ai à la fois eu cette transmission de la part de ma famille paternelle et maternelle. Alors surtout paternelle, parce que ma famille paternelle vit en France. Et c'est surtout à travers mon grand-père, donc, qui a participé à la guerre d'Algérie, qu'il a vécu très jeune, puisqu'il est né en 1941, et qui m'a en fait raconté, à partir de mon adolescence, et parce que j'étais aussi avide en fait de connaissances, j'avais besoin de savoir ce qui lui était arrivé. Et je pense qu'il m'a fait confiance et il m'a raconté son histoire. Leïla Fougali, il y a cette mémoire familiale de la guerre d'Algérie, qui a été véhiculée par votre grand-père, par votre père. Avez-vous eu accès à une autre forme de mémoire, celle que peuvent porter les enfants ou les petits-enfants des soldats appelés, des jeunes du contingent qui ont été appelés en Algérie? Alors accès, oui, parce que comme je me suis intéressée à cette histoire, forcément je me suis renseignée et je me suis rendu compte que ma mémoire n'était pas la seule et qu'elle cohabitait avec beaucoup de mémoires. Après, je n'ai pas fréquenté autour de moi, ou en tout cas, je pense que c'est quelque chose dont ils ont plus de mal à parler. Donc on ne m'a jamais vraiment raconté à moi par exemple, mes grands-parents avaient participé à la guerre d'Algérie, ou en tout cas on me l'évoque, mais on ne me raconte jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais bien sûr que quand on vit en France, de toute façon on est amené à côtoyer des personnes qui ont vécu d'une autre manière en fait, la guerre d'Algérie. Et c'est intéressant ce que vous dites, hein. Vous êtes partie, Leïla Fougali, à la recherche. Il y a une démarche et c'est cette démarche qui nous intéresse dans le cours de l'histoire. Justement, ces mémoires complexes, le documentaire Décolonisation du sang et des larmes, diffusé sur France 2, débute avec le moment très particulier qu'est l'exposition coloniale internationale. Je vous propose une archive, ce qui fait partie des archives rares, une archive du 6 mai 1931, quand Paul Reynaud, ministre des colonies, inaugure l'exposition coloniale en compagnie du président de la République, Gaston Doumergue. Vous venez, monsieur le président, de faire en un quart d'heure le tour du monde. Que d'images ont dû s'éveiller dans l'esprit de l'ancien colonial que vous êtes, à la vue de ces palais où voisine la langoureuse Asie et la brûlante Afrique et la dissolvante douceur des îles d'Océanie. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931. Noble entreprise d'union et de paix entre les nations. Ah, la langoureuse Asie et la brûlante Afrique. C'est Paul Reynaud, ministre des colonies, le 6 mai 1931, au moment de l'inauguration de l'exposition coloniale à Paris. Pascal Blanchard, il y a quelque chose qui est pertinent par le début de ce documentaire, Décolonisation du sang et des larmes. C'est le point de vue occidental qui est évoqué comme une évidence. Et ça, il faut le rappeler, la colonisation n'est pas un questionnement extrêmement généralisé dans la population. Et c'est important pour comprendre le choc de la décolonisation. Je pense que c'est une idée qui est devenue banale en 1931. Avoir un empire pour une partie des grandes puissances occidentales, c'est la règle pour être une grande nation. C'est normal pour éveiller le monde à la modernité. C'est logique pour l'exploitation des biens qui vont permettre au pays de s'enrichir et gérer le commerce international. C'est la normalité de l'histoire du monde. Ça fait quand même maintenant plusieurs siècles. L'histoire qu'on est là sous des formes différentes existe. C'est pas les premiers empires. On est même dans la dernière génération des empires. Tout ça est rentré dans les mœurs aussi parce que la propagande a fait son travail. C'est-à-dire que ces expositions, c'est pas juste le plaisir d'aller faire le tour du monde en un jour. C'est en fin de compte une œuvre de propagande très structurée, très organisée, qui donne ce sentiment d'appartenance, cet empire nous appartient, puis il est pacifié. On voit les populations exhibées, tout a l'air tranquille, c'est serein, on en est fier même de cet empire. Puis les enfants courent dans les rues de l'expo coloniale, voient le temple d'Angkor, voient le tata sénégalais, voient les pyroliers Wiolof sur le bois de Vincennes. Tout ça semble, je dirais, une sorte de grand moment hollywoodien, où la grandeur et la puissance de la France est en plein éveil, donc personne ne doute que ceci est dans l'ordre du monde. On a face à soi l'ordre du monde. Oui, c'est ça. Hein. Vous avez un des intervenants, un ancien combattant de l'armée française dans le documentaire, qui dit mais on ne s'en rendait pas compte. On ne se rendait compte de rien. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour comprendre cette décolonisation, c'est de mettre en place dans ces années 1930 tout un imaginaire vécu. Et à l'inverse, Pascal Blanchard, comment ça se passe dans les pays dominés, quel est le regard des peuples qui sont dominés? Ont-ils accès à la possibilité d'une contestation de cette domination? Dans les territoires coloniaux, très difficilement. Mais n'oublions pas que beaucoup des élites sont actuellement à ce moment-là en France. Ou ont été en France, ou vont arriver en France. De Ho Chi Minh, en passant par Messaliadj, Senghor, Césaire. Beaucoup de ces intellectuels, beaucoup de ceux qui vont faire la politique des indépendances, vivent en France à l'époque. S'abreuvent de l'université française, écoutent les discours de la gauche française émancipatrice, sont, dans certains cas, en opposition avec l'exposition coloniale de 31. Notamment les militants vietnamiens du Parti communiste collaient des petits stickers sur les bancs de Paris et les arbres de Paris en disant « ne visitez pas l'exposition ». Donc, c'est à Paris que se fabrique déjà une forme d'opposition. Et puis, dans un certain nombre de territoires, la révolte gronde. Le Yanbei en Indochine, par exemple. N'oublions pas qu'on sort de la grande révolte du pays marocain de la guerre du Rif. On sort d'une grande révolte en pays Syrie-Liban avec les mandats du Levant. Donc, les territoires coloniaux ne sont pas du tout passifs à ce moment-là. Mais la répression est féroce, qui fait qu'en fin de compte, c'est en soubassement que l'opposition commence à naître, que la critique coloniale commence à se faire. 31, c'est à la fois une humiliation et le désir des colonisés de dire ça ne sera plus possible. Surtout que l'année d'avant, rappelez-vous, il y a eu le centenaire de la conquête de l'Algérie, qui a été particulièrement humiliant pour rappeler qu'on avait colonisé l'Algérie, qu'on avait vaincu l'Algérie, que depuis un siècle, elle était française. Donc il y a une sorte, un moment d'accélération comme ça, de sentiment que tout ça n'est plus possible. Mais ça, bien sûr, ça va prendre du temps. Vous savez bien que le bouleversement du monde ne se fait pas en une minute. Mais il y a une prise de conscience à ce moment-là, qu'il va falloir quelque part s'attaquer à cet édifice impérial, il va falloir se l'attaquer symboliquement, politiquement, et donc à un moment, militairement, pour changer les choses. Oui, parce que face à cette volonté de changer les choses de quelques individus, il y a la propagande qui est exceptionnelle. Dans le documentaire « Décolonisation du sang et des larmes », il y a ces images de propagande. C'est très dur de lutter face à ça. C'est même impossible parce que, nous ne sommes pas pour la jeune génération au temps du web. Donc vous ne pouvez pas aller faire une contre-image. Très peu de Français ont voyagé dans les territoires coloniaux, en fait. Donc il n'y a pas la possibilité d'aller voir sur place si cette propagande est mensongère. Et puis, cette propagande, elle est parfaitement faite. Les gens oublient un peu, on a une agence de propagande en France, ça s'appelle l'Agence économique des colonies, qui a duré à peu près jusqu'aux années 56-57, qui est une véritable matrice à fabriquer un idéal colonial. Pratiquement tous les romanciers coloniaux sont subventionnés. Pratiquement toute la presse coloniale est subventionnée. La radio est subventionnée, le cinéma est subventionné, les artistes qui vont en colonie. On va leur dire, aujourd'hui, on n'imagine pas d'ailleurs que la France républicaine a eu une agence comme ça de propagande intense qui prenait 100% du spectre. Donc en fin de compte, vous nettoyez le cerveau en permanence et en même temps vous l'irriguez d'exotisme. Parce que c'est pas une propagande violente. La propagande coloniale, ce qui est sa faconde, sa force, c'est de faire rêver. Donc c'est un paradoxe absolu, hein. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, une affiche de propagande mussolinienne, vous la mettez difficilement sur votre cheminée. Mais il est tout à fait concevable de mettre une affiche coloniale sur sa cheminée. C'est-à-dire qu'en plus, on va jouer sur le beau. Donc on va fonctionner, vous avez vu les commentaires, on va voyager autour du monde, on va découvrir l'Asie mystérieuse, on va partir au tréfond de l'Afrique. Tout ça joue pour des enfants qui visitaient l'exposition sur une sorte de chose assez étonnante, de grandeur mais aussi de fascination, je dirais même presque d'esthétique. Le temple d'Angkor, c'est incroyable en termes de reconstitution. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu 33 millions de personnes qui étaient visiter l'exposition. Les jours d'inauguration, la semaine d'inauguration, c'est 650 000 visiteurs par jour. Ça donne la mesure de la propagande, mais surtout de son côté massif, exclusif. Il n'y a pas, ou très peu, de contre-propagande. Du moins, n'a pas l'efficacité d'un Pépé le Moko, de la danseuse de Marrakech, d'un cinéma incroyable. Et donc, tout ça fabrique un monde faux à côté du réel. Et donc, quand la révolte va gronder, d'un seul coup, les gens vont se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est tellement antinomique avec l'image dominante et globale, bah, quelque part, d'un peuple qui a été endormi, les Français, sur une croyance, sur du faux, sur une chimère, et qui, de l'autre côté de la Méditerranée, n'avait aucun rapport avec la réalité que vivaient et les colonisateurs et les colonisés dans l'Empire. Oui, parce qu'il y a vraiment une question de point de vue systématiquement qui est repris dans ce documentaire « Décolonisation du sang et des larmes », celui du colonisé, celui du colonisateur, celui des enfants et des petits-enfants. Il y a ce jeu permanent et c'est essentiel. Moi, j'ai été touché du fait que Leïla Fougali, il y ait des interventions comme ça de jeunes gens. Et quand nous voyons ces images-là, nous n'avons pas connu la colonisation, nous n'avons pas connu cette période-là. Ces images nous troublent, elles nous troublent énormément parce que nous avons même aujourd'hui du mal à comprendre combien la colonisation a pu être une évidence. Comment avez-vous ressenti, vous, ces images? On ne retient surtout que la violence en vérité. On retient la violence, ça c'est sûr. Et puis en plus, quand on est familiarisé jeune à cette histoire-là dans notre famille, et que en fait c'est des violences qui ont touché nos ancêtres. Donc bien qu'on ne les vit pas soi-même, on reste touché. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce qu'on a signé les accords d'Évian en 1962 que la colonisation s'est terminée. C'est-à-dire qu'il y a des continuités. Et c'est pour ça qu'on doit faire ce travail aussi de déconstruction. C'est-à-dire que cette violence-là, elle a existé, elle a été longue. Elle a été longue en Algérie, elle a duré plus d'un siècle. Et donc, je pense qu'il est important aujourd'hui de voir ces images en face et de faire un travail dessus. C'est-à-dire comment on a pu en arriver là. Et puis, essayer aussi de déconstruire toutes les représentations collectives que cette colonisation a engendrées. Avec cette propagande tellement efficace, oui. Hein, nous l'avons dit, il est très dur de s'en départir. Et puis, il y a ces questions de chronologie. Vous venez de le dire, hein, Leïla Fougali, la fin de la colonisation n'est pas une date fixe pour un pays parce qu'il reste des choses ensuite. Quant au début du mouvement, lui aussi, il est ambigu. Pascal Blanchard, on peut retenir la Seconde Guerre mondiale comme un moment essentiel de basculement du regard que peuvent avoir les colonisés sur leurs dominateurs. Exactement, puis en plus l'ordre du monde change. D'un seul coup, on sentait de façon que juste avant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement d'ébranlement du monde se faisait. En Inde, par exemple, on voit bien qu'il y a une volonté émancipatrice qui est puissante. La Seconde Guerre mondiale va à la fois l'étouffer et la révéler et la démultiplier. D'ailleurs, si vous regardez bien la chronologie, à partir de 1945, c'est l'effondrement des grands empires en Inde, aux Philippines, en Syrie, au Liban, partout, les empires craquent. Donc tout ça est une matrice qui n'est pas seulement française. L'Empire britannique seront à peu près dans les mêmes effets de domino où on voit l'effondrement. Parce qu'il y avait à un moment cette nouvelle aussi génération qui a vécu les universités, qui a posé les questions politiques, qui a vu la révolution russe. Tout ça, quelque part, est arrivé en agrégat et la déstabilisation du monde que va amener les grandes puissances comme l'Union soviétique et l'Amérique redistribue les cartes politiques. En gros, les grands empires comme la France et les Anglais ne sont plus dans l'ordre du temps. Ils ne sont plus les grandes puissances après 1945. C'est l'Amérique et la Russie qui, tous les deux, ont tout intérêt à faire disparaître les empires coloniaux. Pour des raisons, vous le comprendrez bien, très très différentes. Et puis on rentre dans le temps de la guerre froide. Donc tous ces agrégats qui arrivent vont faire s'accélérer la volonté des peuples, mais qui s'inscrivent aussi dans une dimension monde. Bandung, par exemple, la grande conférence du tiers-monde, la volonté aussi d'avoir une capacité d'exister. La Chine va énormément influencer ces conflits coloniaux. Après 49, la Chine maoïste. Donc tout ça, d'un seul coup, fait une accélération du monde qui fait que chacun s'appuie, certes, dans son empire sur des luttes, mais va aussi regarder ce qui se passe à côté. Il est évident que l'effondrement de l'Empire des Indes en 47 a un impact majeur sur les autres nations. Il est évident qu'un Nasser en Égypte va influencer totalement ce qui va se passer dans tout le monde arabe et notamment au Maghreb. Et d'un seul coup, vous voyez bien que cette accélération des choses va faire qu'une dynamique va s'inverser, la dynamique des empires s'effondre et face à elle, la dynamique des indépendances commence. Et il est nécessaire, Pascal Blanchard, de mettre en place, comme vous venez de le faire, le contexte, les grands mouvements. Et il est nécessaire aussi, mais comme vous le faites dans le documentaire, de partir de l'individu. Et si nous partons à Dakar en 1944. Là, il n'est pas question de géopolitique internationale, ce sont juste des hommes pas contents de ne pas être payés alors qu'on leur avait promis qu'ils recevraient leur solde après avoir combattu pour la France. Je vous propose un extrait de votre documentaire avec David Camboza, Pascal Blanchard, un documentaire qui est diffusé sur France 2. Mon père s'appelait Antoine Jean Habibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Il débarque à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'un millier de personnes dans des baraquements. Et continue la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Tiaroy leur donne rendez-vous sur la place des armes à Tiaroy. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est ça qu'on leur devait. Tout simplement, on vient d'entendre la voix de Soro Solo, l'ami Soro Solo, et puis il y avait aussi le témoignage d'Yves Habibou. Donc c'est un extrait du documentaire « Des colonisations du sang et des larmes ». Pascal Blanchard, ce moment-là, ce massacre de Tiaroy, n'est pas un moment connu, n'est pas quelque chose qui est mis évidemment en avant. On connaît, Sétif a été évoqué, mais tardivement. Hein. Et ce moment en Afrique est symptomatique de la déception que peuvent avoir tous ceux qui ont combattu du côté de la France qui se libère et qui se voit en fait... retourner à leur simple statut de colonisé. Parfaitement résumé. C'est-à-dire que ce qui rend encore plus incroyable ce moment de Tiaroy, c'est qu'on tire sur des combattants qui se sont battus pour certains pour libérer la France. D'autres ont été prisonniers pendant 4 ans des camps allemands. Donc ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour libérer la métropole, pour libérer quelque part le sol, la terre, la République. Et d'un seul coup, on leur dit non, vous n'aurez pas votre sol, on sent bien que... Et quand ils rentrent au pays comme ils osent réclamer, que fait la République? Au lieu de les remercier, au lieu d'en faire les honneurs, au lieu de leur dire merci, on leur tire dessus. Ce qui montre la manière dont le système colonial fonctionne. C'est-à-dire que le système colonial ne peut pas accepter que, en gros, l'indigène, pour faire ça, même s'il a été un héros de la guerre, même s'il a libéré la nation, qu'un indigène puisse se révolter, puisse oser réclamer. Et en fait, ce qui va se passer à Tiaroy, quelques mois plus tard, c'est ce qui va se passer à Sétif, Gelma Karata, c'est ce qui va se passer dans le Constantinois. Quelques mois plus tard, c'est ce qui va se passer à Damas. Quelques mois plus tard, c'est ce qui va se passer à Haïphong en Indochine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'au lendemain de cette guerre, quelqu'un réclame, quelle que soit la chose qu'il réclame, la réponse de la République, c'est de dire « je frappe ». Je frappe parce qu'il est inconcevable que l'indigène, d'un seul coup, ose réclamer, ose dire. Donc Tiaroy, à son échelle, est un révélateur absolu d'inacceptable. Si aujourd'hui on vous dit « on a tiré sur des soldats français et d'autres français leur ont tiré dessus », c'est là qu'on se dit « mais c'est pas possible, on ne peut pas, dans l'armée française, s'entretuer ». Si pour une raison raciale, si pour l'ordre du monde colonial. C'est pour ça que Tiaroy reste une tâche dans l'histoire de France incroyable. Rappelez-vous, François Hollande avait été au Sénégal et avait reconnu les événements, avait dit qu'il rendrait les archives, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur les archives militaires pour comprendre comment ce crime s'est organisé, s'est structuré, cette mécanique. Parce que vous savez bien que dans les mécaniques, à la fois humaines, psychologiques, stratégiques, c'est là que se comprend l'état d'esprit d'un pays qui ne peut pas perdre un moindre gramme d'empire parce qu'il est persuadé, je vous rappelle que c'est De Gaulle au pouvoir à l'époque, il est persuadé qu'il va perdre son rang de grande puissance. Donc au nom de cette idée de grande puissance, il faut tuer. Avec un décalage majeur de ce que l'on peut ressentir aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est vrai, il y a une évolution évidente de l'analyse de la situation et des mentalités. Nous avons du mal à comprendre cela et nous le retrouvons sur les réseaux sociaux. Nous le retrouvons quand la parole est libérée de manière parfois extrême, où il va y avoir systématiquement, vous savez, Pascal Blanchard, et vous en recevez sans doute plein, des messages en disant « ça suffit de la repentance, ça suffit de parler de tout ça ». C'est quelque chose que l'historien a du mal à gérer au sens où nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne jugeons pas le passé, mais au moins raconter le passé. Quelle réponse faites-vous à ce qui va arriver, j'imagine, j'imagine très vite, cessons la repentance et puis évoquons les aspects glorieux de notre passé. Je pense que ce discours qui était très prégnant entre 2005 et 2007, rappelez-vous, c'était au moment où était arrivée cette loi de février 2005 qui nous demandait notamment aux historiens de travailler positivement sur l'histoire coloniale. On a connu un moment d'acmé autour de ça, où en gros, dès qu'on parlait d'histoire coloniale, on était considérés comme des mauvais républicains. J'ai même entendu cette phrase de certains extrémistes très très à droite me dire que j'étais un traître à ma race. C'est même très très fort comme expression. Et en fait, on comprend pourquoi, parce que l'histoire coloniale est tectonique. Elle est compliquée. Elle est le dernier grand tabou peut-être d'un récit français qui a du mal à regarder son histoire. L'histoire des décolonisations, en plus, est très proche de nous. Elle est d'une violence incroyable et générale. Et généralisée, je devrais dire. Et en même temps, on sent que ces résonances sont dans le présent. Donc ceux qui ont peur de ça, en fin de compte, sont parfaitement conscients de ce qu'est l'histoire coloniale. Ils sont parfaitement conscients qu'ils ne sont pas en train de nous dire que nous mentons. Ils sont en train de nous dire « vous ne devez pas regarder cette histoire ». En fait, c'est quoi la repentance? C'est le fait même de regarder cette histoire, vu sa violence, c'est quelque part se flageller en la regardant. Donc ils disent, ben non, ne la regardez pas. D'ailleurs, ce qui est, je vous le rappelle, la posture de la République française depuis 60 ans. On vit un pays assez étrange. Si avec vos enfants, vos amis, vous voulez aller voir, découvrir, parler, traiter d'histoire coloniale, vous n'avez aucun musée. Vous savez, en France, quand on ne met pas un pan d'histoire au musée, c'est que généralement, cette histoire a un problème. Donc tout ça se mélange. Donc il va y avoir à la fois un moment de débats compliqués, parce que regardez le discours du président de la République il y a quelques jours sur le suprémacisme, il a consacré quelques lignes à la colonisation. Ce débat est loin d'être passé. Nous sommes encore dedans, on voit bien qu'il y a été à maison, parce que certains ne veulent pas entendre parler de cette histoire. D'autres, en même temps, voudraient en faire exactement l'inverse, que la République ne serait que ça. Alors, vous avez bien vu que dans le film, la République n'est pas que ça. Vous avez des Mendès France, vous avez des Rocard, vous avez les surréalistes. Certains s'opposent à cette idée d'une France coloniale, raciale, blanche, qui impose ses lumières sur le reste du monde. Donc c'est compliqué. Et vous savez comme moi que l'histoire est paradoxale et complexe. L'histoire est... Quand j'interroge ce combattant du MDRM à Madagascar en 1947 qui se révolte et que je lui dis alors... Avec les Français, ça se passait comment? Vous aimiez pas les Français? Il me répond, mais c'est pas les Français notre problème, c'est les tirailleurs sénégalais. Parce que c'est eux qui avaient été envoyés. L'histoire est d'une complexité incroyable. Et donc, la repentance, c'est en fin de compte mettre une sorte de voile sur le savoir. Ils perdront au final. Ils perdront parce que nous allons devoir faire notre devoir d'historien, comme la République devra faire son devoir de regarder cette histoire, parce que si on veut un jour pouvoir tourner la page en commun, il faut regarder l'histoire. Ce n'est pas en ayant un vieil album caché dans un tiroir de famille qu'on règle les problèmes de famille. En gros, nos aînés nous ont laissé ce boulot. C'est à notre génération de le faire. Voilà, à notre génération et puis à votre génération, Leïla Fougali. Mais non, c'est sûr que si vous participez à ce documentaire, c'est aussi pour porter alors, une mémoire familiale, sans doute. Mais est-ce que vous êtes vous-même comme individu? En écho à ce que vient de dire Pascal Blanchard, vous le savez bien, vous le constatez sans doute, combien très vite le débat devient brûlant dès qu'il est question de ces sujets-là, et notamment de l'Algérie. Comment arrive-t-on à... rester zen face à ça, garder une posture de distanciation. C'est difficile, mais en même temps assez compréhensible parce que, comme on le disait, il y a des mémoires qui cohabitent et qui, pour moi, ne sont pas en fait contradictoires. L'histoire est complexe et je pense qu'il faut qu'on discute tous ensemble. Après, j'ai du mal à comprendre la posture de l'État français, c'est-à-dire de ne pas regarder en face cette histoire-là parce qu'elle ne va pas disparaître. Et nous, les petits-enfants, on va transmettre cette histoire à la prochaine génération et ainsi de suite. Donc je pense que c'est pas une bonne stratégie. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on s'y mette le plus tôt possible. Et j'espère que ça sera le cas avec notre génération. Oui, et puis vous savez bien que souvent la réponse de ceux qui s'opposent à ces discours-là, c'est, vous savez, l'effet quand on était dans la cour d'école, c'est miroir. Par la maman et qui vont dire « Et l'État algérien, lui non plus, ne fait pas le travail ». En fait, l'idée c'est de dépasser en fait ces questions-là et c'est juste que tout le monde travaille en commun pour une discussion. Personne n'est indispensable dans le sens où cette question devient, je dirais, prégnante aujourd'hui parce que nos sociétés sont métissées. Parce qu'aujourd'hui, nos mémoires, elles vivent dans le même pays. On peut le dire comme on veut, on peut le prendre. Ben oui, on n'a pas les mêmes mémoires, mais on a la même histoire. Et que ça commence à faire beaucoup de gens, puisque par définition, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que plus les générations avancent, plus ça fait de gens qui sont concernés, en fait. Et ce que l'État français a peut-être pas forcément compris, c'est que il pensait que là, 60 ans après, le bruit des mémoires s'effacerait dans le temps. Mais c'est l'inverse qui se passe, on le sait tous, ça remonte toujours à la surface. Et puis que cette histoire, elle est pas simple. Et puis qu'elle nous fabrique aussi nos relations humaines, nos relations d'amour, d'amitié. Et puis qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est très sensible, quel que soit d'ailleurs son parcours. est très sensible à ces questions parce qu'elle fait le lien souvent entre les discriminations actuellement, regardez l'affaire Floyd et les manifestations ou les statues qui ont été démontées, et cette mémoire non assumée par l'État français. Et en même temps, elle est aussi critique du côté de l'Algérie, ou au Sénégal, à Madagascar, au Vietnam, aux Antilles, sur la mémoire officielle de ces pays qui racontent aussi une histoire très mythifiée. Parce que c'est évident qu'une conférence en Algérie, par exemple, qui expliquerait la guerre interne du FLN et du MNA, ou la place des Harkis, c'est toujours compliqué à faire. Et j'en sais quelque chose. C'est toujours compliqué à faire. C'est aussi compliqué que de parler de la question coloniale ici en France. C'est parce que chacun a voulu réécrire l'histoire à l'aune de ses intérêts, de ses enjeux ou de son identité. Que de Gaulle a parfaitement placé la chape de plomb du silence et de l'amnistie dans les années 60. On oublie tous que Mitterrand aussi quand il arrive au pouvoir. La première fois, il va avoir une discussion un peu ardue avec des députés qui refusent de voter et qui veulent utiliser le 49-3. C'est pour la dernière loi d'amnistie des anciens généraux de l'Algérie. Cette histoire, elle est encore la nôtre parce que d'une certaine manière, elle est encore brûlante. Au regard de ses effets, de sa place, je le disais tout à l'heure, c'est le plus grand conflit de la France au XXe siècle. 25 ans de guerre. Et on voudrait que ça s'efface comme un nuage de vapeur. Non, la nouvelle génération nous le dit. Elle a appris, elle transmettra à cette nouvelle génération et les petits-enfants continueront à dire à l'État français « Hé, quand est-ce qu'on pourra aller au musée? Quand est-ce que vous regarderez cette histoire en face? Quand est-ce que nous pourrons sereinement parler de cette histoire ?» Et c'est compliqué, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Le travail va être très complexe, justement. C'est à ce moment-là que la République devrait nous donner les moyens pour aller beaucoup plus loin. La République pourrait donner les moyens de quelle manière, selon vous, Pascal Blanchard ? Je pense qu'il y a trois axes qui sont essentiels. L'axe muséal et culturel est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lieu pour que les enseignants puissent emmener des élèves et que nous, parents, nous puissions emmener nos enfants. Alors ça, c'est le premier des problèmes, il est majeur. Et il montre bien qu'il y a un sujet de fond. Deuxièmement, l'éducation nationale doit placer ces questions-là, comme la loi de Toubira l'a fait sur la question de l'esclavage, comme une des priorités en termes d'enseignement, pour justement aider les enseignants qui sont confrontés à une vraie difficulté d'enseigner cette histoire dans les classes. Et puis, troisièmement, il y a une dimension culturelle, je dirais, au sens film, documentaire, fiction, théâtre, art plastique, comme aux États-Unis, où la question de l'esclavage est devenue depuis une vingtaine d'années un sujet majeur, dont le traitement devient culturel de la chose, pour arriver à la faire passer par d'autres biais. Il n'y a pas que nous, les historiens, qui faisons passer le travail sur l'histoire. Il n'y a pas que nous, les historiens, qui parlons de mémoire. Il n'y a pas que nous qui travaillons sur l'image pour la déconstruire. Je pense que la place des artistes, la place des réalisateurs, on le voit, un documentaire comme celui-là est un outil complémentaire du travail d'historien classique. Il va permettre à des enseignants, avec les petits modules qu'ont prévu France Télévisions, aux enseignants de travailler en classe sur la question. Tous ces enjeux-là montrent bien qu'il faut une dimension à 360 degrés pour justement aller vers une déconstruction globale du sujet et puis surtout aider ceux qui sont au contact de ceux qui posent des questions, les enfants. Vous savez, quand vous êtes devant une classe d'école et que vous êtes enseignant au collège ou en lycée, et vous avez des enfants issus de plusieurs récits différents et de mémoires différentes, trouver le juste équilibre pour enseigner ce passé, c'est pas simple. Donc il faut des outils. Et il faut que l'État, parce que c'est une de ses missions, puisse contribuer à fabriquer ces outils pour aller beaucoup plus loin. Voilà, et ce que vous évoquez, Pascal Blanchard, hein, ce sont ces modules sur l'UMNI. L'UMNI, c'est l'offre éducative de France Télévisions. Donc des modules à retrouver sur Internet qui permettent de compléter... Oui. Le documentaire Décolonisation du sang et des larmes. Et quand vous évoquez ce passage de mémoire, effectivement, il y a les enseignants, et là on le sait tous, les enseignants au quotidien travaillent dans ce sens-là. Il y a Décolonisation du sang et des larmes, documentaire, plus grand public, évidemment, plus grand public. Nous pouvons évoquer la forme un petit peu, Pascal Blanchard, parce que c'est toujours intéressant la forme qui, parfois, est contestée. Par exemple, colorisation des images. C'est un choix. C'est un choix. Le but, l'objectif du documentaire est de toucher le plus large public. Est-ce que la colorisation apporte quelque chose dans ce cadre précis qu'est les luttes pour s'émanciper de la domination coloniale? Oui, parce que pour deux raisons. D'abord, très techniquement, on commence à avoir des archives couleur à ce moment-là, notamment l'armée américaine et française et militaire. L'armée tourne en couleur au moment du camp de la guerre d'Algérie. Et on s'est dit à un moment, par rapport à la nature du film, quelle unité on peut avoir pour rendre proche cette époque et en même temps ne pas avoir ces ruptures entre le noir et blanc et la couleur. Ça, c'était la première idée qu'on avait avec David Cambronza. Puis la deuxième idée qui est fondamentale, c'est qu'on sait que le jeune public aujourd'hui, dans un documentaire noir et blanc, il y a une réticence. Faut être honnête, on le sait tous quand on travaille sur le documentaire. Et rendre proche cette histoire, la couleur rend cette proximité proche et permet à un jeune public, notamment en classe, mais un jeune public aussi qui va en replay voir le film pendant 60 jours ou qui aujourd'hui est habitué à du Netflix ou autre, la couleur permet de faire qu'une jeune génération rentre plus naturellement dans le sujet. Et puis, on s'est rendu compte avec David que cette unité qu'on arrivait à créer des années 30 jusqu'aux années 70. Je tiens à le rappeler que ceux qui pensent que les décolonisations se sont arrêtées en 60, il faut qu'ils regardent le film. Ils vont découvrir qu'il s'est passé des événements à Djibouti, en Guadeloupe, aux Comores, un peu partout jusqu'aux années 70. D'ailleurs, peu de gens le savent, quelle est la dernière indépendance dans ce pays, les Nouvelles-Hébrides. Tout le monde l'avait oublié, 1980. Et ce week-end, je vous rappelle, il y avait un référendum qui demandait aux Néo-Calédoniens, à la Nouvelle-Calédonie, aux Kanaks, leur devenir. Et c'est pas le dernier des référendums, il en restera certainement un troisième. Vous voyez que cette histoire, elle est loin d'être terminée. Donc la couleur nous a donné une unité sur le temps long. Je la revendique aussi, je l'aurais pas fait forcément sur d'autres films, mais sur ce sujet-là, elle nous a permis de voir la propagande. Car, vous avez vu, vous l'avez très bien dit sur l'exposition coloniale, c'est impressionnant les images. Et elles vous ont aussi impressionné parce que d'un seul coup, vous les avez vues comme votre arrière-grand-mère ou mon arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-père l'ont vu. Et eux, ils l'ont vu en couleur. Et l'émerveillement de Vincennes, ce qui est quelque part quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre comment les gens sont partis après à la guerre avec une idée de rêve. C'est ça qui est très paradoxal. Et ben le voir en couleur, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi nous avons validé avec David Cobroza cette idée et ce principe, comme d'ailleurs dans le film, de n'avoir aucun expert, aucun historien, aucun spécialiste, mais des témoins. C'est un film que de témoins ou leurs descendants. Et je pense que c'est très important parce que ça redonne la parole à l'histoire et ça redonne la parole à la mémoire. Et on le voit bien dans la conversation que nous avons tous les deux. Nous disons des choses sur la mémoire, sur l'histoire, sur le ressenti, sur la transmission. Et c'était important d'écouter ceux qui étaient porteurs de cette histoire et pas forcément d'avoir des spécialistes. Alors c'est drôle qu'un historien dise « Je n'ai pas appelé mes collègues pour parler dans le film ». Mais je vous rassure, 6 historiens de renom ont travaillé aussi sur le film en conseiller historique. Mais on a choisi de s'effacer derrière ce récit-là. Et je trouve que ça, c'est peut-être une des forces du film, c'est de donner la parole à la mémoire et à l'histoire. Oui, parce que c'est vrai que dans le comité scientifique pour l'Afrique, c'est que Catherine Kokri-Vidrovitch, quel nom, pour la guerre d'Algérie et le Maghreb, c'est Tramor Kemener, c'est Nicolas Bancel, c'est Alain Russiaux, c'est Pierre Fournier, c'est Maël Lavener-Pinault, que des gens très bien en comité de scientifiques, que des historiens, des historiennes de renom qui laissent la parole aux témoins, en fait. Il y a toute une validation. Et justement, je vous propose d'écouter quelqu'un qui témoigne. Elle s'appelle Xuan Phong. Elle vient du Vietnam. Et c'est un extrait de ce documentaire Décolonisation du sang et des larmes. Quand je regardais Ho Chi Minh qui dit que maintenant, il faut libérer le pays, il faut chasser l'esclavage, tout ça, on dirait un baume qui vient au cœur. On voit quelqu'un qui nous réveille notre patriotisme. Et moi, je sens la lutte qu'il faut faire. Aussitôt, le Cambodge et le Laos engagent eux aussi le rapport de force avec les Français. Pour parer à l'urgence, le gouvernement dépêche le général Leclerc avec 35 000 hommes. Malgré les difficultés que pose la végétation, malgré les retards engendrés par les destructions du Viet Minh, la zone de paix s'étend avec l'avance de nos troupes. Les éléments déchaînés ou les ruses des fanatiques n'ont pas de prise sur des hommes qui se sont battus sur 3 continents. Hier, le méchoui arabe, aujourd'hui, le cochon annamite. Ah bah oui, le méchoui arabe et le cochon annamite, c'est un extrait du documentaire Décolonisation du sang et des larmes, où il y a en fait l'essentiel de la construction. Nous avons entendu un témoin, nous avons entendu ce qu'on appelle la voix off, c'est-à-dire le commentaire, et puis un extrait d'archives. Il manque juste le témoignage des jeunes générations, enfin ce qui complète l'ensemble. Nous sentons cette violence. Il y a aussi ce jeu constant, Pascal Blanchard, du retour à l'archive. L'archive est essentielle comme nous faire prendre conscience d'une réalité. Quand nous entendons ici, après le méchoui arabe, c'est le cochon annamite, ça nous déstabilise quand même. Oui, surtout quand on le replace dans le contexte historique. C'est que le méchoui arabe, c'est 45, c'est Sétif, et le cochon annamite, c'est 46, c'est Haïphong, et c'est le début de la guerre d'Indochine. Donc il y a dans le commentaire une sorte de sous-titrage que décode indirectement le public qui voit ça, je vous le rappelle, dans les cinémas, dans les actualités cinématographiques de l'époque. C'est pas des films cachés de l'armée que personne ne voit. C'est le discours, pas officiel au sens de la parole de l'État, mais on n'en est pas loin avec les archives cinématographiques, c'est en tout cas un discours qui est structuré, qui raconte la guerre au quotidien. Nous, on l'a un peu oublié, mais ces 25 ans de chute de l'Empire sont vécus au quotidien par les Français. c'est les couvertures de Paris Match et l'illustration, c'est les ouvertures au cinéma dans les actualités, c'est en permanence les discours gouvernementaux, ça c'est quelque chose qui se vit au quotidien. On pense souvent que les gens n'ont pas su ce qui se passait. Alors c'est plus complexe que ça. L'information était manipulée, mais elle était omniprésente. Donc vous voyez, il y a un jeu de va-et-vient, et puis il y avait même une forme de lassitude aussi des Français à un moment, parce que quand vous entendez parler de batailles les unes après les autres en Indochine, au Vietnam, au Laos, en Cambodge, quand vous entendez parler après, pendant la guerre d'Algérie, de batailles incessantes, d'attentats et autres, il y avait ce côté un peu lassitude omniprésente du sujet et manipulation permanente. Vous entendez les mots qu'on a pu entendre, on nous parle de ruse fanatique. Donc déjà, on est dans quelque chose qui fabrique aussi l'ennemi irréductible, et cet ennemi irréductible, on en a quand même parlé pendant 25 ans, quelle que soit sa couleur, hein. C'était partout, c'était au Cameroun avec les communistes, c'était en Algérie avec les Felagas, c'était au Viet Minh. Donc toute cette machine, elle fabrique quelque chose de très compliqué dans la tête des gens. Elle fabrique en fait une omniprésence de l'ennemi. On l'a un peu oublié aussi, quand un pays est en guerre, il se sacrifie. Et ce que disait d'ailleurs l'abbé Pierre, dans un certain hiver, si vous vous rappelez bien, c'est qu'il va falloir choisir entre ces guerres lointaines coloniales et nos pauvres. Et bien la France a choisi pendant 25 ans, elle a fait la guerre. Ça grévait le budget de 30 à 40%, c'est énorme. Et nous, on sait, ça veut dire que nos aînés, un, ont fait une guerre inutile, et deux, en plus, ont contribué à faire que la nation, pendant 25 ans, s'est sacrifiée financièrement, alors que les hommes politiques, s'il y avait très peu de femmes politiques à l'époque, les hommes politiques étaient parfaitement conscients que cet empire allait être perdu. C'est là où on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi faire une guerre dont on sait qu'on va la perdre ? Parce qu'en fin de compte, il était inconcevable pour un homme politique à l'époque de venir devant les Français et de dire, nous pouvons nous passer de l'empire. Alors que tout le monde le savait. Vous voyez ce paradoxe incroyable, et c'est ça aussi qui rend difficile cette lecture de l'histoire. C'est que quand vous mettez le doigt dans l'engrenage, on peut avoir de droite comme de gauche, hein, parce que le De Gaulle de 60 qui nous fait le libérateur, il faut se rappeler le De Gaulle de 45-46, des événements en Indochine, en Syrie ou en Algérie. Et c'est là où ça nous ramène à se faire que ben, la droite et la gauche ont un vrai problème dans ce pays avec cette histoire. Ils l'ont vécu de tout leur corps, de toute leur âme. Et quelque part, ils ont fabriqué cette matrice. Et on peut comprendre que certains aujourd'hui n'aient pas envie de la regarder en face parce que ça nous regarde tous en face. Et François Mitterrand, effectivement, qui dans les années 1950 est ministre voilà, des colonies. Enfin, un des plus grands ministres des colonies, 50-51. Et après, rappelez-vous, avec la guerre d'Algérie, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Et c'est le même Mitterrand qui arrive au pouvoir en 81 et dont l'une des premières décisions sera cette loi d'amnistie. Et avec toujours l'essentiel qui est la chronologie, Pascal Blanchard, vous le dites bien, ce n'est pas le même De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1960, mais le documentaire des colonisations du sang et des larmes fonctionne sur la chronologie, ce qui est intéressant, la chronologie. Le passé souvent est réduit à un tout. Leïla Fougali, ce tout n'est pas un tout, nous savons le déconstruire. Et puis, il y a toujours cette question de mémoire. Vous êtes porteuse d'une mémoire familiale, et puis d'une mémoire familiale qui correspond à une forme de mémoire collective qui n'est pas partagée par tout le monde, et c'est en cela que c'est complexe. Il y a aussi sans doute une volonté de conserver cette mémoire parce que les générations du dessus sont appelées à disparaître, c'est ainsi. Et il y a chez vous, dans ce témoignage que vous faites dans le documentaire des colonisations, aussi simplement ce côté porteur de mémoire. Vous le vivez comment, vous ? Il y a volonté d'écouter ce que disent les anciens pour pouvoir juste leur apporter, sans doute transformer avec ce que vous êtes vous-même. Bien sûr, je ressens moi en tout cas un devoir de transmission, mais évidemment que je me l'approprie aussi, ce qu'on me dit. Et mon rapport à la décolonisation, il est personnel. C'est-à-dire que on m'a raconté les douleurs, on m'a raconté les violences, mais ce que j'en retiens aussi, c'est cet exploit des populations qui ont été colonisées pendant des décennies et qui ont réussi avec beaucoup d'ingéniosité à sortir de cette situation. Après, c'est vrai que je dis ça en étant algérienne, je parle bien sûr de l'indépendance de l'Algérie, et quand je vois les images d'archives, par exemple, du 5 juillet 62, je ressens une immense fierté et une joie aussi. Je la partage en fait avec mes ancêtres. Et donc, j'arrive à garder en fait cette forme de combativité, cette résistance qui a défini cette décolonisation, tout en ayant conscience des violences qui ont eu lieu pendant cette décolonisation et des douleurs qui perdurent aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Oui, parce que le perdure aujourd'hui est très important, et justement le documentaire continue sa route bien après la date de la décolonisation, celle qui est inscrite dans les manuels scolaires, qui est parfois la date de fête nationale d'un pays, parce que Pascal Blanchard, vous venez jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'histoire coloniale, elle peut s'arrêter d'une manière institutionnelle, l'indépendance de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Puis elle peut s'intéresser aussi à ce qu'était la France-Afrique. Qui a pris le pouvoir dans ces pays? Si vous prenez l'exemple du Cameroun, où la France restera encore en guerre 5 ans, où Ahidjo arrive au pouvoir, où l'UPC va connaître en pays Bamilenke l'une des plus grandes répressions de ce temps des décolonisations, on se pose la question si c'est vraiment l'indépendance du Cameroun qui compte comme date. Et puis vous avez des pays dont on a complètement oublié qui sont restés, comme par exemple les Comores ou Djibouti, jusqu'en 77-75, à l'intérieur de l'espace colonial français. Puis d'un seul coup, on découvre des révoltes et des répressions comme en Guadeloupe en 67. Une répression qui a été massive. Et puis on découvre comment la France aussi a réorganisé les restes de son empire. Ce que tout le monde oublie, alors ça me rappelle tout à fait au début du projet, quand je me rappelle qu'on discutait, je dis « il faut à tout prix parler de ceux qui ne sont pas devenus indépendants ». Tout le monde se regarde autour de la table, mais de qui on parle? Ben, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, des Antilles, de la Guyane, de la Réunion. Il y avait des mouvements indépendantistes. Et comme le dit très bien Lélian Thuram, on n'en parle peut-être pas parce qu'on a perdu. On n'est pas devenu indépendant. 17% de l'empire reste français. Et d'un seul coup, cette histoire, donc, elle continue après. Parce qu'il ne faut pas croire que tout s'est arrêté. Tout le monde dit, bon, ben voilà, on n'est pas indépendant, on pose les armes en 60. Non, non, non, non. Kourou, Mururoa, le sud algérien, l'armée française jusqu'en 65, la manière dont les relations se passent avec les Outre-mer, Françoise Vergès nous l'explique très bien dans le film. Tout ça montre que la complexité et le fait que le temps continue. Et puis en même temps, on fait taire les mémoires. Et puis il se passe quelque chose d'incroyable. Personne n'avait imaginé. Ceux qui ont connu la colonisation vont vivre dans le pays du colonisateur. Alors là, déjà. Autant dire que c'est très compliqué. Et ils n'ont pas forcément pu se raconter l'histoire aux enfants parce qu'ils se sont dit, on va essayer de tourner une page pour qu'ils puissent grandir en France, dans le pays de l'ex-colonisateur. Donc on voit bien que l'histoire est continue après. Et puis nous, la France, bah, on a eu un petit peu une continuité de ce qu'on a appelé notre zone d'influence parce que ça faisait partie de la continuité de l'Empire. Quand vous prenez tout ça, vous faites cet immense cocktail, et bah, vous découvrez que jusqu'en 2020, à chaque élection, qu'on remonte tranquillement, vous l'avez vu dans le film, bah, chacun a eu un point de vue dessus. Mitterrand, c'était du temps de Papa Madi et la France-Afrique. Vous redécouvrez que du temps de Chirac, il y avait aussi des relations, puisqu'il hérite d'un très très grand conseiller qui est émergé dès 59, Focard, dans l'entourage gaulliste. Et puis on découvre un Nicolas Sarkozy qui commence sa campagne à Toulon, avec un discours incroyable sur à la fois la repentance et la civilisation qu'il avait fallu amener au-delà des mers. Et puis le discours de Dakar. Et là on se dit, bah non, c'est pas fini. Il reste des choses, donc l'histoire, elle continue derrière l'histoire. Et c'est ça aussi qu'essaye d'amener ce film, c'est de montrer que le récit sur l'histoire des décolonisations ne s'arrête pas à un instant T politique. Il continue à fonctionner parce que cette matrice, elle n'a pas terminé dans l'histoire. Le cheminement n'est pas terminé. Et des deux côtés, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et des deux côtés. Les deux côtés, c'est essentiel de le dire, hein, Pascal Blanchard, parce que le but est un dialogue, est un dialogue pacifié. Donc les deux côtés sont importants, mais pour que se mette en place ce dialogue, il faut passer par des moments complexes. L'objectif d'un tel documentaire qui peut paraître violent n'est pas de diviser, rappelons-le sans cesse, c'est juste de rappeler ce qui s'est passé. Et d'essayer surtout de donner la parole à tous les acteurs de cette histoire, pour essayer de faire comprendre que dans ce grand mainstream de l'histoire, certains ont été pris au piège, d'autres ont été des acteurs de cette histoire, d'autres l'ont voulu, d'autres ont fait leur choix. Les combattants, ils expliquent très bien d'ailleurs leur parcours. Ce combattant du FLN qui parle de son grand-père et qui lui dit « si tu Otto ne veux pas que tu reviennes entre deux officiers français ou soldats français, hein. Tu pars au maquis, c'est pour mourir là-bas, tu dois te battre ». Et donc tout ça nous montre bien que la parole commune nous permet de regarder ensemble ces images et de les dépasser en fin de compte. Parce que ne pas les voir, bah vous gardez le trauma. Vous le savez très bien, quand on est traumatisé, il faut savoir parler de ce qui s'est passé. Si on ne le fait pas, les gens restent traumatisés. C'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on va tout solutionner, mais ça veut dire qu'on va contribuer à aller vers autre chose. Ben, c'est ce à quoi contribue ce documentaire « Décolonisation au pluriel du sang et des larmes » diffusé sur France 2, mardi 6 octobre, à partir de 21h. Et ensuite, il est possible de le regarder plus loin avec ce qu'on appelle le replay. Puis je rappelle Pascal Blanchard, « Décolonisation française, la chute d'un empire à la Martinière ». Et merci beaucoup à vous, Leïla Fougali, d'avoir témoigné dans le documentaire et ce matin dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup à vous deux. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, debout sur le Zin, c'est la nostalgie des bars. Porter un masque à peu près partout, c'est contrariant. La fin de la traditionnelle bise l'est aussi, ou pas, selon certains et certaines, c'est une libération. La publication quotidienne du nombre de malades et de morts de la Covid-19 ne nous porte pas non plus à la joie. Mais il y a une interdiction qui ouvre une guerre culturelle, la fermeture des bars, les portes closes de ces endroits où l'on boit seul ou accompagné, mais dehors. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi. À l'issue, de la même manière, d'une concertation